gloire du mouvement hip-hop. C'est le mode de vie par excellence, l'art de se surpasser, d'être en avance, où tu te dois l'excellence. En somme, quand tu lances un défi, tu te dois d'exceller sans excéder les gens sur CD. Tant que le hip-hop te donne des chances, il ne faut pas les céder. Attends, je t'explique, il y a plusieurs domaines: le chant, la danse, le DJing, beatboxing, graphing, l'attitude, b-boying et la sap. Et quand je dis chant, c'est bien sûr le rap. Aucun ne doit primer, la règle primordiale c'est de se compléter, s'entraider, ne pas se griller, ouais. Pour pouvoir à juste titre les faire tous briller. Dans ce mouvement, on exprime ses sentiments, ses pensées, bonnes ou mauvaises. On peut dénoncer ou plaisanter. T'es prêt? Alors laisse-moi le temps de balancer le refrain pour après te les présenter, le mic en main. Sorti fraîchement de tes enceintes, fais-tu frais. SDR, garde l'esprit hip hop. Sorti fraîchement de tes enceintes, fais-tu frais. SDR, garde l'esprit hip hop. Deux platines, une table DJ. La rime, la feuille pour rapper. En danse, ça va défier tous acteurs dans le. Laisse-moi une rime pour DJing. En effet, y'a plusieurs trucs qui s'appliquent et que tu peux faire sur des techniques. Ça implique le mix, les techniques. Moi, je trouve ça chiant, mais vite fait, si tu veux, je t'explique. Mon DJ tabasse, arrache ça. Quand il scratch, il se place pour les passe-passe et nous lâche ça. Donne ce qu'il a osé poser sur ce qu'on a composé. Alors, si tu kiffes, mets du son. Du hip-hop, on en fait ce qu'on veut. Quand ça clash, on sait ce qu'on vaut. On a les crocs dans les cris, ça sent. On a ça dans le sang. Imagine la suite. On pose sur rythme ce que l'on ressent, des valeurs old school à ce qu'il y adressant. On défile les MC présents, on les descend. Imagine la suite. Sorti fraîchement de tes enceintes, fais-tu frais. SDR, garde l'esprit hip hop. Sorti fraîchement de tes enceintes, fais-tu frais. SDR, garde l'esprit hip hop. Donne-moi la note pour que mes MC se posent. Bas la mesure à coup de glock pour que la mélodie explose. Coup de patte sur les pattes, je veux que mes potes soient tes pattes et inspirés. Qu'ils insistent, qu'un aspire, qu'un rapper. D'où qu'elles viennent, la boucle est bonne à prendre. Ceux qui ne l'admettent vont apprendre avec leur tête de bon cabane. J'ai mis bien du temps à comprendre tout ce qu'une putain de machine pouvait m'apprendre. C'est right, right, si t'as reconnu cette guitare. Right, right, on veut pas te faire pillard. Pour que l'instru donne le thème, j'ai jusqu'au bout de moi-même. No money, no fame, c'est du hip-hop qu'on saigne. C'est au tour de la danse. Station, on y grave fort en France. Grave sur le style, l'énergie, mais en transe. Entre dans le cercle, en confiance, danse. Et dis-moi ce que t'en penses. Alors pécho ça, en défi, défonce ça. T'arrêtes pas si tu bosses, car t'inquiète, c'est bon ça. New style, house, lock, pop et break. La force du hip-hop, c'est garder le dieu en tête. T'as plus qu'à t'y mettre. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,